Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur une aventure radiophonique et sociale, la radio pirate et militante, Lorraine Cœur d'Acier, qui émit à Longwy de mars 1979 à juillet 1980. Nous sommes à la fin des Trente Glorieuses, à l'aube du basculement dans l'ère des crises. C'est le début du grand incendie qui va effacer les anciens bastions de l'industrie française, emportant avec lui ses hommes, ses syndicats. Casse sociale, dissimulée sous le vocable bien plus présentable de restructuration industrielle. 40 ans plus tard, les vestiges du siècle de l'acier disparaissent peu à peu. Que reste-t-il de cette époque? Quelques images, mais si peu de mots. Sauf à Longwy, dans l'ancien bassin minier, un trésor était caché. Parmi les derniers vestiges qui ont pu être sauvés, il y a en effet les bandes sonores de cette radio Lorraine Cœur d'Acier, puissant témoignage d'une époque révolue, conservée aux archives départementales de Bobigny. De longs extraits ont été publiés également au sein d'un coffret intitulé « Un morceau de chiffon rouge » aux éditions de la Vie ouvrière. Ce sont ces archives qui ponctuent notre récit. Derrière cette radio qu'on appelait LCA, il y avait des dizaines d'hommes et de femmes. Le journaliste Marcel Tria était l'un d'entre eux, il est notre invité aujourd'hui. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Sonia Leglen et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En décembre 78, dans toutes les régions où le fer coule dans les veines tout autant que dans les aciéries, on hésite à allumer la radio. Parce que partout, on dit la sidérurgie française atteinte d'un mal sans nom, sans visage. Dans la presse, les éditorialistes imaginent différents scénarios. Les plus optimistes parlent d'amputation, alors que d'autres préparent déjà l'oraison funèbre. À Longwy, près de la scierie de la Chière, déjà dévorée par la rouille, les hommes attendent, incrédules. Jour et nuit, dans le vacarme des ponts roulants, brûlés par la flambée rouge des coulées, ils forgent l'acier français. Dans la vallée, cet alliage de fer et de carbone est au centre de tout. Il nourrit les familles, tue les pères et enrichit les commerces. Alors, quand Raymond Barre et son gouvernement promettent un plan de sauvetage, on se méfie. Le 11 décembre 1978, la sentence tombe. Le plan d'Avignon prévoit la suppression de 21 750 emplois, dont 6 500 à Longwy. Pour les plus jeunes d'entre vous, Longwy n'éveille sans doute pas grand-chose. Et pourtant, au siècle dernier, cette ville était synonyme de prospérité, de progrès. Dès la découverte du gisement des minerais de fer de Briey, tout le cœur de la vallée s'est mis à battre au rythme de l'acier. Durant des décennies, le long de la Chière, on ne cesse alors de construire aux fourneaux, laminoirs, habitations. Les villes enflent au rythme de l'augmentation des productions. Parmi ces ouvriers, de nombreux immigrés italiens, polonais, maghrébins. Brisés par la misère, attirés par le fer, ils viennent travailler et mourir en Lorraine. Toute révolution a ses morts, celle de l'acier en a eu des milliers. Dans l'arrondissement de Briey, la mortalité enfantine comme celle des hommes y est 12% plus importante qu'ailleurs. Qu'importe, si on n'y fait pas de vieux os, le travail est là. Et pour les enfants, la deuxième génération, c'est la même chose. La voie est toute tracée. On se marie à l'usine ou à ses ouvriers. Et puis on fait des enfants qui demain les remplaceront à la scierie ou dans les foyers. Telle est la vie à Longwy, courte vie. Alors, quand le gouvernement annonce les futures funérailles du bassin minier, c'est toute une vallée qui a l'impression de tomber dans le vide. Le 19 décembre 1978, encore abasourdie, elle manifeste. Ils viennent de Herserange, de Longlaville, de Saône, de Villerue, Longwy, Gorcy, Mont-Saint-Martin, Ussigny, Reon, Longuillon, Mexy, Oncourt. Origine sociale, il y a aussi des commerçants, des artisans, des membres des professions libérales. Aujourd'hui, Longwy est une ville qui veut vivre, une ville qui avait ses rideaux tirés, ses magasins fermés, pas d'auto-école, pas de manifestation, pas d'administration, des routes coupées le matin, des routes coupées au niveau de la frontière, une ville, un bassin tout entier qui, unanime, disent non au plan de la sidérurgie. Dès l'annonce du plan d'Avignon, les syndicats comme les partis se mettent en marche. Au début, c'est la CFDT qui est la plus audacieuse. En haut de l'impressionnant crassier, amoncellement d'escorides et aux fourneaux, ces militants plantent trois lettres de détresse. Un SOS qui clignote et illumine le ciel de la vallée. Ce SOS sera aussi le nom de la radio pirate que la CFDT lance afin d'accompagner la lutte des sidérurgistes. Aidé par les équipes de la radio verte de Fessenheim, SOS Emploi diffuse dans ses locaux chaque soir ou presque des émissions enregistrées. Cette radio pirate est-elle écoutée? Assez pour qu'on en parle et que la CGT jalouse sa concurrence. Durant des semaines, les usines débrayent, les actions se multiplient, les journaux rendent compte. Une mobilisation classique, me direz-vous. Ouais, presque. Piqué par l'audace de la CFDT, le secrétaire de l'Union locale de la CGT, Michel Olmy, convainc le bureau confédéral de son syndicat de débloquer des fonds afin de créer une radio CGT à Longwy. Pour animer l'antenne, il contacte non pas des amateurs pirates, mais des professionnels du micro. Jacques Dupont et Marcel Tria, deux journalistes qui ont l'avantage d'avoir leur carte au PC. Engagés, ils l'ont toujours été. Alors, se montreront-ils serviles vis-à-vis du syndicat? C'est mal les connaître. Tria et Dupont acceptent le défi de cette radio militante à condition que l'antenne soit libre. C'est-à-dire, s'interrogent les deux représentants CGT, eh bien ça veut dire que l'antenne sera ouverte à toutes les voix. Toutes? Ah oui, toutes. Gauchistes, patrons, ennemis ou compagnons, exception faite des racistes, chaque personne pourra défendre son opinion. Les délégués de la CGT acquiescent. Et c'est ainsi que le 19 mars 79, le générique de Lorraine Cœur d'Acier se fait entendre pour la première fois. Ici Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz. Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. Ça ne passe plus là. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ses émissions, écoutez-la, et faites-la écouter. Union, action, CGT. Ces applaudissements à l'antenne traduisent l'espoir que cette radio suscite. C'est étrange, mais la radio, comme la télé, pour ceux qui n'y travaillent pas, est un univers magique. On y entend les artistes, les puissants, les lettrés, les politiques, enfin, tout ce qui compte. Et forcément, ça fait rêver. Enfin, pour passer à la radio, il faut savoir parler, s'exprimer sans faute. Alors, ceux qui s'en mêlent dans les mots, qui se taisent de honte de ne pas savoir, pensent que ce n'est pas pour eux. Mais Lorraine Cœur d'Acier est différente. D'abord, le studio a pignon sur rue, toutes les émissions sont en direct, la ligne téléphonique est ouverte à qui veut s'exprimer. Alors, peu à peu, ils sont de plus en plus nombreux à se rassembler dans le hall de la mairie, devant la grande vitre du studio. Et puis, la porte étant toujours ouverte, ils entrent et se serrent autour de la table ronde hérissée de micros afin de participer aux émissions, comme la revue de presse, par exemple. Chacun lit, prend des notes, puis livre à l'antenne ses commentaires. Claude, notamment. Lui, s'est intéressé à un article de l'Express sur la vie des cadres. Moi, j'ai un papier, si vous voulez, alors on peut continuer. Ouais. J'ai lu un article très intéressant sur l'Express qui s'intitule « La vie des cadres ». Voilà, ça commence comme ça. Il y a des clubs où ne pénétreront jamais que les happy few. Happy few, il faut traduire là. Hein. Littéralement, les quelques heureux, oui, les privilégiés. Oui, hein. Il y a aussi ceux qui donnent au cadre la possibilité de nouer des contacts profitables. Sophie d'Écosse a visité les uns et les autres. Alors, il y a le Jockey Club d'abord. Hein, Jockey Club. Les boiseries d'acajou, le vert profond des moquettes, le bruissement suave des conversations mezzo-voce. Dans ces temples de l'establishment, etc., etc. Moi, ça m'étonnerait que ça concerne les cadres, tu vois. Ouais. Je crois que l'Express, elle essaye de faire rêver les cadres avec ce genre de truc, tu vois. Il y a un club des sidérurgistes, là, qui, où on peut... On peut jouer. Il faudrait un club des sidérurgistes, tu vois, où on peut se baigner, alors piscine, sauna, club gymnastique, et où on peut fuir le stress de la vie des affaires, tu vois. Il n'y a pas ça, ici, à Longwy? Il n'y a pas un club très fermé, tu vois, un club très fermé où on ne rentre que si on est chômeur, par exemple, tu vois, avec moquette, boiserie profonde, bruissement suave. Il n'y a pas ça pour les chômeurs de la sidérurgie? Il y a l'Agence nationale pour l'emploi. C'est comment, ça? Bof. Pas de piscine, pas de sauna, pas de... Non, faut vraiment connaître hein, pour y aller. Faut aimer. Ouais. Bon, un autre papier, quelqu'un? Au début, LCA ne devait vivre qu'une semaine, afin d'accompagner la grande marche sur Paris du 23 mars 1979. Oui, l'initiative devait être éphémère. Mais face au succès, les deux journalistes, tout comme le syndicat, décident de poursuivre l'aventure, ce qui aura le don d'irriter le pouvoir. En 79, en effet, l'État a le monopole des ondes. Même si un mouvement pour sa suppression s'est lancé en France quelques années auparavant, les radios dites libres sont interdites. Lorraine Cœur d'Acier est hors la loi, dont acte. Dès le 26 mars, le gouvernement tente de faire taire la radio. Ce jour-là, les Longoviciens aperçoivent deux hélicoptères. Un survol qui s'accompagne d'un bip-bip sur la fréquence de LCA. Qu'importe, des parades sont élaborées. On change les fréquences et des bricoleurs délivrent des astuces à l'antenne afin de limiter le brouillage. Et c'est ainsi que LCA poursuit ses émissions. En quelques semaines, la grille s'étoffe. En plus de la revue de presse quotidienne et des billets syndicaux qui relatent les mouvements sociaux et l'avancée de la lutte contre le plan de restructuration industrielle, de nouvelles émissions voient le jour, comme Passé-Présent, durant laquelle les gens de la vallée viennent se raconter. Hommes, femmes, syndiqués ou non, ils témoignent, expliquent d'où ils viennent, ce qu'ils ont été, ce qu'ils seront. Le 11 avril 79, c'est Sylvain Poli qui vient s'asseoir dans le studio. Après quelques minutes, tout remonte. La première manif, les combats du père, sa mort soudaine et brusque, le travail dès 14 ans, quand la radio se fait divan. Lorraine Cœur d'Acier. Bien, je peux dire que ma sœur a 12 ans, elle était servante. Il fallait qu'elle monte sur un tabouret pour faire la vaisselle chez des particuliers. Que mon frère, qui a 12 ans également, eh bien, il allait garder les vaches, comme on disait à l'époque, chez les cultivateurs pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et moi, qui étais le troisième, bon, j'ai continué à aller à l'école. Et à 12 ans, j'étais obligé de quitter mon apprentissage pour... aller travailler à la production pour apporter un salaire meilleur à la maison. Quel a été ton premier travail? Bien, mon premier travail, je suis arrivé ici à Longwy. Je me suis embauché comme magister à Mont-Saint-Martin. Aux aciéries de Longwy. Aux aciéries de Longwy de l'époque. Vous faisiez combien d'heures par semaine? Bien, on faisait 56 heures. 56 heures par semaine. 56 heures par semaine. Il y a les émissions quotidiennes et celles qui émergent par la force des débats et dans la foulée de discussions passionnées. Ah, les soirées avec les femmes, au micro notamment, sont restées dans la mémoire de tous. Au début de la radio, les femmes de Longwy ont préféré rester dans l'ombre, derrière les hommes. Puis elles se sont rapprochées, ont dû jouer des coudes, les hommes, eux, ont dû apprendre à se taire et à écouter. Alors ces femmes, elles parlent du travail ménager, des gosses, des patrons, de la sexualité aussi. Oui, un jour, une femme évoque le nombre de nuits d'amour que les 3-8 lui ont volé. Et là, l'auditeur est scotché. Micro. Du côté de la CGT, beaucoup sans doute ont mis du temps à comprendre ses revendications. Ça a dû gueuler sévère en coulisses. Pourtant, LCA, c'est le micro chevillé au corps des ouvriers et des ouvrières. Comment ce jour d'avril 79, quand des femmes ont raconté leur accouchement? Bon, j'étais sur la table d'opération, on m'a fait lever, on m'a dit « Dépêchez-vous, levez-vous, il y en a une qui presse plus que vous. Allez dans le lit à côté où il y a la garde de nuit qui se couche. » Je n'arrivais même pas à enfiler les pantoufles, j'ai traîné mes pieds jusque-là. Et croyez-moi que je pleurais pas, hein. Mais alors après, ils m'ont pris la gamine, et la sage-femme faisait me dire « Elle descend, mais elle remonte. » Alors je disais « Mais faites quelque chose, sortez-moi là, si on arrive à faire quelque chose. » Elle me disait « Finalement, ils ont eu ma fille, ils ont appelé tout de suite le docteur, l'oxygène, la gosse était bleue, ils l'ont pris à la ventouse, elle avait tout le derrière de la tête esquinté. Elle saignait, elle avait une grosse croûte. » Bon, après, moi, j'en pouvais plus. Je ne pleurais pas, hein. J'avais les bras mordus, monsieur, hein. C'est pas de la blague, hein. On me mettait des couches dans la bouche. Et c'est pas de la blague, hein. Des couches. On me disait, ça vous aidera à souffrir. Voilà ce qu'on me disait. On me disait, respirez fort. Je faisais tout ce qu'on me disait. Mais ça ne venait pas. On ne m'aidait pas. Il n'y avait rien à faire. Et ma fille est venue. J'ai arrivé à l'élever parce qu'elle était costaud, et moi aussi, je suis costaud, hein. Mais ça, vous savez, quand j'ai entendu la femme tout à l'heure, mon cœur s'est mis à battre, j'ai pas pu me retenir, hein. Y a rien eu à faire. Et quand mon mari m'a vu arranger comme ça, parce que je n'arrivais plus à parler à personne, à ma famille, à mes sœurs, je n'y arrivais plus à parler, hein. Eh bien, mon mari m'a dit, c'est terminé, tu n'auras plus d'enfants si c'est ça, ma fille, hein. Et alors, je n'en ai eu qu'une. Et croyez-moi, quand je vois une femme dans la rue qui attend un bébé, avec gymnastique ou sans gymnastique, j'ai la chair de poule qui me dresse sur les bras, monsieur. Je ne sais pas si maintenant c'est changé, j'en sais rien, mais je vous assure que quand je vois une femme qui attend un gosse, ben, c'est plus fort que moi, hein. Si, madame, ça a un peu changé. En 78-19, la situation n'est plus tout à fait la même. D'ailleurs, à l'antenne, des sages-femmes et des médecins s'empressent de le dire, mais... là n'est pas le problème, non. Ce qui est incontestable, c'est l'émotion, c'est la libération par la parole. Parmi les invisibles, il y a aussi les immigrés. Eh bien, Marocains, Algériens, Italiens, Polonais, eux aussi ont leur émission. Elle s'appelle la parole des immigrés, tout simplement. Avec elle, c'est le racisme quotidien qui est mis au jour. De nombreux auditeurs découvrent ainsi la vie de ces étranges étrangers. Et la méfiance laisse place alors à l'écoute, à la crainte, à l'amitié. Et pas à la crainte, juste l'amitié. Durant ces émissions, autour de la table ou par téléphone, chacun évoque ainsi ses blessures intimes. Cette collégienne, par exemple, raconte les mots malheureux de l'un de ses professeurs contre un camarade étranger. Alors moi, je suis élève de 6e et je suis déléguée de classe. Et nous, dans les écoles, nous avons aussi du racisme. Car nous avons une professeure de français... et malheureusement, dans notre classe, nous avons un camarade algérien qui a le malheur de bégayer. Et quand c'est comme ça, la prof se moque d'elle et le traite, enfin, le bride, quoi. Et ensuite, une fois, je me rappelle, il lui avait fait la réflexion, de toute façon, moi au moins, je parle le français. Alors, ça m'a fait mal, et puis, quand même... en nous-mêmes, on se dit, c'est une drôle. Hein. Et puis malheureusement, je peux pas dire mon nom parce que comme j'ai un conseil de classe là. Non, on te demande pas ton nom, tu sais. Non, je voulais savoir comment réagissaient les autres élèves. Comme ça toi. Ça nous fait mal, hein. C'est dur à supporter quand même. Hein. Ça nous fait mal parce qu'on l'avait déjà vu pleurer quand elle l'a dit ça. Alors. Allez, non. Au revoir. Merci. Et puis tu viens nous voir. Ouais. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, les sidérurgistes, les femmes, restez les enfants. Eh bien, ils ont leur émission, les mini-cœurs d'acier. Le principe est le même que pour les grands, un thème, un tour de table et un numéro de téléphone. À l'heure dite, la discussion s'ouvre. Alors, je voudrais bien demander... à tous ceux qui sont autour de la table, de nous dire ce qu'ils pensent de la radio et pourquoi ils y viennent. Avant, tous les mercredis, j'allais à un club où on faisait toutes sortes de trucs. Et un jour, j'ai voulu venir ici, j'ai demandé au maître, et le maître, il n'a pas voulu. Alors moi, je me dis, il y a à se faire voir, et puis j'ai quand même été. Oui. Et puis le deuxième mercredi, quand je suis revenue là-bas, il m'a demandé pourquoi je suis pas venue. Alors moi, je lui ai dit que j'avais venu ici. Et il m'a encore engueulé. Alors, moi, je me suis dit, au plus vite, moi, j'y vais plus, et puis je suis venue ici. Voilà, et voilà. Bravo. Moi, je suis venue à la radio grâce à ma mère. Elle y allait souvent et puis elle m'y a emmenée. Et j'ai pris conscience que LCA, c'était pas la même chose que repas RTL. Oui, ben ça, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai aimé la radio parce que... on y est reçu comme si on était tous frères, comme si on était... C'est une sorte de famille, quoi. Pour les deux journalistes, Marcel Tria et Jacques Dupont, les journées sont longues, mais à la sortie du studio, les deux Parisiens sont attendus chez l'habitant qui leur offre le gîte, le couvert. Et à chaque fois, la même générosité. On met les petits plats dans les grands. Entrée, plat, dessert et mirabelle. On s'endort, souvent rassasié, et pas seulement du repas, non, de la vie, des rencontres. Grâce à LCA, au café ou dans les ateliers, durant ce printemps 79, on parle de poésie, de littérature, de musique. La mort de la Syrie semble lointaine, la lutte passe presque au second plan. On se prête des livres, on s'en recommande d'autres... Au-dessus des hauts fourneaux, l'orage gronde toujours, et pourtant chacun a l'impression que quelque chose de plus grand est en train de se jouer. Sont-ils devenus fous? Et si c'était juste de la fierté retrouvée? L'homme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, il est fatigué, et cependant il lutte durement. Et lui qui en parle si souvent, et moi qui l'aime tant, et moi qui désire tant le voir gai comme avant. Mon sidérurgiste, à toi pour le meilleur et pour le pire. On combattra côte à côte pour sauver notre vie. On combattra côte à côte, je suis de ton avis. Oui, c'est notre vie. Oui, on sera encore heureux. Oui, on sera toujours des langoviciens poussiéreux. Et alors, si c'est notre vie, poussiéreux ou pas, il faut la sauver. Ne désespère pas et bats-toi avec moi, pour le meilleur et pour le pire. Lorraine Cœur d'Acier, bonjour. Je vous rappelle que vous êtes sur 100 MHz en modulation de fréquence et que notre numéro de téléphone est le 223 22 35. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous, c'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge. Les sidérurgistes de Mécon sont Eh bien d'abord, la sidérurgie et les incidents de Longwy. La situation est redevenue calme ce matin après 4 heures de très durs affrontements entre forces de l'ordre et sidérurgistes. 2 journalistes et 10 de manifestants ont été blessés. La CGT protestait contre le brouillage de sa radio pirate, Lorraine Cœur d'Acier. Un commentaire de Jean-Pierre Quittard. Pendant plus de 4 heures, en effet, Longwy une nouvelle fois était le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des affrontements, on vient de vous le dire, qui ont fait une bonne dizaine de blessés. Quant aux dégâts matériels, eh bien, jugez par vous-même avec ces images, des vitrines brisées, des bâtiments publics comme l'hôtel des impôts ou le tribunal d'instance saccagés. Ce 18 mai 1979 à la télé, c'est la seule fois qu'on entend parler de Lorraine Cœur d'Acier. La veille, protégée par la CRS, la TSF avait installé un brouilleur à côté du récepteur. LCE n'était plus qu'un bruit. Alors une fois de plus, toute la vallée, les hommes et les femmes ont quitté leurs ateliers et leurs foyers afin de protéger la radio et de mettre fin au brouillage. Que s'est-il passé ensuite? Un face-à-face classique. Lacrymogène, jet de pierre, mouvement de foule. À la fin, les caméras filment les dégâts et annoncent le nombre de blessés dans chaque camp. Quelques jours plus tard, l'historien Gérard Noiriel, alors professeur à Longwy, publie une tribune dans le journal Le Monde intitulée « Parole ouvrière, parole illégale ». Un texte qu'il conclut par ces mots. « Demain sans doute les médias parleront à nouveau de la violence ouvrière. Quel autre moyen d'expression laisse-t-on aux travailleurs à partir du moment où l'on considère que l'illégalité commence dès qu'un ouvrier ouvre la bouche ?» Lutter pour que LCA vive, c'est défendre la liberté et lutter pour elle. C'est le combat de Lorrain, c'est aussi celui de tous les démocrates en France. Illégal, LCA l'est. Mais ce qu'illustre cette nuit du 17 au 18 mai 79, ce n'est pas le basculement d'une vallée dans la violence, mais l'existence d'un lien intime, identitaire, entre ces gens et leur radio. Alors, malgré le brouillage, l'aventure se poursuit, tant bien que mal. Madame ? Oui ? Vous êtes en direct à l'antenne, vous pouvez oui, parler. Oui. Écoutez, je suis indignée, parce que voici depuis que les CRS sont en faction au Bois de Chat, j'habite moi-même la rue du Bois de Chat, et beaucoup de gens de ma rue sont très indignés, nous ne pouvons plus aller nous promener là-haut. Et en plus, la télévision, je vous dis l'autre soir, nous regardions le film Vivre pour vivre, c'était coupé sans arrêt, alors ils vous brouillent, vous. Mais en plus, la télévision, alors je trouve que c'est pas normal. Hein. Enfin, écoutez, moi je vous assure, j'ai trouvé une combine qui est pas mal. C'est le poste sur la machine à laver. Et le fil, parce que moi j'ai un fil, j'ai un radio réveil. Hein. Oui. Et de ce radio réveil, il sort un espèce de fil. Je ne sais pas c'est où l'antenne. Là, je ne sais pas quoi il fait. C'est alors, l'antenne. Et je l'ai coincé. Parce que vous savez, j'ai un morceau de comment on appelle ça, d'inox autour de ma machine, là, qui a un peu d'effet. Je l'ai coincé dedans et ça va très bien. Ben oui, parce que ça fait écran métallique. C'est ouais, oui, alors, écoutez, ça va, vraiment, on n'est pas brouillé du tout. Je n'entends pas du tout le brouillage. Eh bien, on vous remercie d'avoir appelé, madame. Voilà. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, vous aussi. Merci. Sur ces bandes, aux côtés des voix des gens du coin, il y a aussi les célébrités de passage. Parmi ces invités, tous ne sont pas les bienvenus. L'année 79 marque en effet la fin d'une décennie tumultueuse parmi ceux qui se revendiquent de gauche. Deux ans plus tôt, communistes et socialistes ont mis fin à leur programme commun. Les gauchistes, eux, ont continué leur route, à la marge. Alors, quand le 31 mars, Alain Krivine de la LCR passe une tête dans le studio, ça tangue. Un vrai débat d'idéologues, comment on n'en fait plus? Internationalisme, interdiction des licenciements, moyens de lutte, logorée, tout est sur la table. On y entendra aussi Daniel Cohn-Bendit, Guy Bedos ou encore Albert Jacquard. Bien, très bien même, mais la lutte, dans tout ça, elle prend officiellement fin le 24 juillet 1979. Ce jour-là, l'ensemble des syndicats signent la convention sociale de la sidérurgie destinée à atténuer les effets du plan de restructuration. Retraite anticipée, prime de départ, système de mutation sont négociés. Lorraine Cœur d'Acier, elle, prend ses congés d'été. Elle sera de retour à la rentrée. Enfin, du moins, le pense-t-on. Mais comme l'aciérie, LCA se dévore elle-même. Voyez-vous, la liberté de parole n'est pas du goût de la Confédération Générale du Travail. Et puis, l'aventure radiophonique de Lorraine coûte cher. Alors, en septembre, un plan de restructuration est annoncé. Il faut réduire les coûts, libérer les énergies ailleurs. La CGT arrête le financement de la radio hors matériel. Eh bien, qu'à cela ne tienne, encore une fois, les auditeurs trouveront l'argent eux-mêmes. Au début, ce nouveau combat est joyeux, innovant. En plus de l'association, de l'ouverture d'une souscription, de la vente de cassettes audio, des quêtes quotidiennes sont organisées. La vallée renvoie ainsi l'écho de cet enthousiasme. Excuse Alain. Oui, mais j'excuse tout à fait. C'était des copains qui ont été collectés devant le rond-point, le supermarché rond-point, et qui ont déversé toutes les pièces de monnaie qui ont été collectées pour sur la journée, table. 280 000. Pour une seule journée ? Une seule journée, oui. 2h le matin, 3h l'après-midi. 2h le matin, 3h l'après-midi, en 5h. Toujours la fidèle collecteur. Alors on remercie tous les gars qui ont collecté, les femmes qui ont collecté. Oui. Et on souhaite que demain, il y ait encore beaucoup de volontaires pour collecter encore demain. Alors on va leur demander à eux, parce que toi tu n'y étais pas, toi. Tu y étais. Non, parce que je t'ai beaucoup vu au studio. Tu m'as vu. Non, tu ne m'as pas vu, juste maintenant. Lorraine Cœur d'Acier vit ainsi durant plusieurs mois. En écoutant les bandes de ses émissions, c'est toute la fin de la décennie des années 70 qui défile. On entend les noms de Boulin, Mérine, Ersan, on y parle de pays socialistes, du RSS, de Bloc et d'Afghanistan. Les revues de presse se succèdent, les débats se tendent et les finances délitent. Début juillet 80, les deux journalistes Tria et Dupont sont virés par La Vie ouvrière, la filiale papier de la CGT, qui les payait. Après 16 mois de bons et loyaux services, les deux capitaines tirent leur révérence. Le 5 juillet, ils s'expriment pour la dernière fois au micro de Lorraine Cœur d'Acier. Peut-être une chose dont je voudrais m'excuser, c'est d'avoir cru que une radio de la CGT pouvait être à la fois une radio de lutte et une radio de liberté d'expression, une radio culturelle, une radio où chacun peut crier ce qu'il a sur le cœur. Ah, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Je crois qu'on est parti pour, et avec tous ceux qui sont ici, eh bien, moi je suis convaincu que ça continuera dans le même sens. Il n'y a pas de raison. Au revoir. Voilà, ça y est. Le 17 novembre 1980, quelques syndiqués, fidèles lignes de la CGT, tentent de relancer la radio. Mais le 20 janvier 81, deux mois plus tard, elle ferme ses portes dans l'indifférence. Demain, quand dans les anciens bastions miniers de Lorraine, le temps aura effacé les traces de l'épopée de l'acier et enterré les derniers témoins, il restera ses voix sur ses bandes, celles des hommes de fer, celles et ceux qui avaient accroché à leur cœur un morceau de chiffon rouge, comme le chantait Michel Fugain. À l'endroit du monde, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'aventure Radio Lorraine, cœur d'acier, avec pour invité l'un des témoins directs de cette aventure, un protagoniste de l'histoire, Marcel Tria, bonjour. Bonjour. Ancien journaliste, après mai 68, vous avez fait partie des journalistes remerciés par le pouvoir, et c'est durant cette période, non pas traversée du désert, mais de contournement de carrière, qu'on vous appelle pour fonder cette radio de la CGT, cette Lorraine cœur d'acier. Pourquoi vous? Alors, oui, vous étiez communiste et vous le revendiquiez, mais c'est peut-être pas la seule raison. Pourquoi vous? Qu'est-ce que vous a dit la CGT? Le problème, c'est que je m'étais passionné dès le début pour ces radios dites libres ou pirates. Et j'avais eu une première expérience, la mairie de Montreuil m'avait demandé à moi et à deux autres amis de créer une radio locale. Oui. Et donc on avait travaillé 3 mois sur ce créer des programmes, des idées de programmes, etc. Et travailler avec toutes les composantes de la population de Montreuil. Et puis, à la veille du démarrage, on avait appris que la mairie de Montreuil avait décidé d'arrêter l'expérience de peur de représailles de l'État. Et ils avaient simplement oublié de nous prévenir. Tiens donc. Bonne vieille méthode. Et donc voilà. Et lorsque, à un moment, les militants de la CGT de Longwy appellent Paris pour dire « la CFDT a sa radio, on veut la nôtre », ils pensent tout naturellement à moi qui avait travaillé sur une... Et donc je suis allé avec à Longwy avec armes et bagages, c'est-à-dire que tout ce que j'avais préparé pour Montreuil, tous les types d'émissions qu'on pouvait faire, la façon de se comporter avec les associations, la population, les différents partis politiques, etc. Et puis le concept de radio libre, le terme étant pris au mot. Oui, c'est ça. Parce que je parlais de libération par la parole dans le récit. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, vous aussi, libération par la parole? Oui, la liberté devenant une arme, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Mmh. Et tout le monde, quand on la pratique, tout le monde aime ça, la liberté. C'est marrant. Il faudrait juste en retrouver le goût. Un morceau de Chiffon Rouge, on l'a entendu tout à l'heure, c'est plus qu'une chanson, c'est un hymne. Est-ce que c'est la BO, la bande originale de cette aventure pour vous? Alors, ça, c'est extraordinaire aussi. Au début de Lorraine cœur d'acier, on avait demandé aux gens de Longwy de nous confier leur vinyle, leur disque, oui, leur disque de chansons, de façon à les utiliser à la radio. Alors on s'est retrouvé avec un tas de vinyles formidables. Et puis les gens appelaient en disant voilà, je voudrais entendre telle chanson. Et on n'y faisait pas attention, nous, ça intervenait au milieu des émissions en direct, etc. Et puis au bout de quelques jours, avec Jacques Dupont, on se rend compte qu'il y avait une chanson qui revenait tout le temps, qui était demandée 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Ah oui. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on se fait confier le disque, on regarde, c'est une expérience qui date du Havre, enfin qui a été faite au Havre, où des militants syndicalistes, ouvriers, avaient travaillé avec deux artistes, Fugain et Vidalin, qui les avaient écoutés parler de leur vie et qui en avaient tiré une chanson pour les paroles de Vidalin et la musique de Fugain, Le Chiffon Rouge. Et les gens de Longwy se sont reconnus dans cette chanson immédiatement. Ils se sont mis à mettre des chiffons rouges, ils en avaient tous à la boutonnière, ils en avaient tous sur les antennes de leur voiture, et c'est devenu leur hymne. Leur totem, quoi. Et leur hymne. Et quand ils sont allés à Paris pour la marche des sidérurgistes, ils avaient photocopié les paroles, et ils les distribuaient tout le long, et ils ont appris la chanson à tout le monde en passant. Par tract. Par tract. et du coup, cette chanson est devenue un des hymnes de la classe ouvrière. Bon, j'imagine que vous avez été bien reçu à Longwy quand vous êtes arrivé, de la part de la population ouvrière qui a vite compris que ça lui faisait un espace d'expression et de liberté, mais de la part des institutionnels, comment ça se passe? De la part du maire de Longwy, par exemple? Le maire était un type très sympa. C'est un maire communiste à Longwy, un enseignant, je me souviens, mais qui était un type très sympathique. Longwy avait une ambiance extraordinaire. Alors c'était italien à 50% peut-être. D'où le festival du film italien de Villerupt, à côté d'ailleurs. Oui. Oui. L'immigration italienne était forte dans cette très forte. Alors les Italiens, c'est grande gueule, c'est bonne gueule. Alors, on était, par exemple, vous y avez fait allusion, mais on est chaque soir à la fin des émissions, on était invité. Alors il y avait une liste sur la petite casemate dans laquelle on travaillait. Studio. Invité chez l'habitant, c'est ça? Les gens s'inscrivaient. Ouais. Tel jour, on va chez un tel. Et un tel attendait à la porte du... Enfin, dans le studio, il attendait que les émissions soient finies et il emmenait tous ceux qui avaient participé à l'émission, c'est-à-dire nous, les copains de Longwy, mais aussi les invités de passage, etc. Par exemple, vous l'avez dit, Albert Jacquard est venu passer une soirée qui a été mémorable d'ailleurs. Et on partait dans la campagne. Ouais. On arrivait dans une maison où il y avait des tables de 10 mètres de capelletti qui étaient en train de sécher, les pâtes italiennes de partout, etc. Et on faisait des repas de mariage. À un moment, on leur a dit à la radio, il faut arrêter. Parce que vous, c'est une fois de temps en temps. Vous invitez les copains, les cousins, etc. Mais nous, c'est tous les soirs, on va crever. Faut arrêter. On va chez qui, Christophe Barrère et toute l'équipe d'affaires sensibles ce soir? Bon, cela dit, tout le monde n'est pas pour cette radio, et c'est normal après tout. On ne va pas imposer une radio, dire c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est normal qu'il y ait débat, c'est la démocratie. Tout le monde n'était pas fan, je veux dire, de votre façon de faire, notamment dans vos choix de laisser la parole ouverte à tous. Alors parmi eux, il y avait Marcel Donati, c'est Marcel, cet homme qui finalement changera d'avis. Enfin, on va l'écouter. Il s'agit d'un extrait du documentaire Lorraine Cœur d'Acier, radio dans la ville, d'Alban Poirier et Jean Serre. Ça, je quitte tout l'eau. Moi, une radio ouverte, moi, l'ouverture, on ne m'en a jamais fait bénéficier. Et je ne le comprenais pas. Je le dis franchement, je ne le comprenais pas, malgré tout mon militantisme, ma bonne volonté, tout ce qu'on voulait, je ne le comprenais pas. Moi, pendant 2 mois, je n'ai pas mis les pieds à la radio. Et j'y allais, hein. J'y allais parce que j'étais conscient. C'est ça qui était formidable, parce que je sentais, j'étais en contradiction, et je sentais que c'était important. Donc j'y allais à la radio. Je me mettais devant l'aquarium, devant la vitre, je regardais les gens dedans, je ne mettais pas les pieds. Mais j'y allais, tout ça sans moi me disait, faut qu'il y aille. J'y allais pratiquement tous les jours. Et je n'osais pas mettre les pieds dedans. Surtout quand ils ont fait passer le comme Bénédicte et je ne sais qui, là, s'exprimer, je dis, c'est pas vrai, va. C'est pas vrai. Mais bientôt, on fera passer la pègre dedans, mais c'est pas possible. Et puis oui, c'est possible. Mais oui, il n'y a peut-être pas assez qui viennent s'exprimer de l'autre bord. Ça puisse amener le dialogue, la discussion, la confrontation. C'est riche la confrontation. C'est pas la CGT qui a gagné, c'est la démocratie qui a gagné. 40 ans après, ça vous fait encore rire, Marcel Trias. C'est un rire d'émotion, de nostalgie, de souvenir. Oui, les deux. Puis c'est Marcel Donati, c'est un des grands personnages de la radio. Et quand on a fait son passé présent, je peux vous dire qu'on entendait les bouches voler. Ouais. Donc au début, il n'était pas pour, et puis voilà, il a été convaincu, en fait. Vous avez réussi à... On a réussi à l'avoir. Alors au début, la radio devait être éphémère, 10 jours tout au plus. À partir de quel moment vous avez compris que ça pouvait durer, que ça allait durer? Lorsque tout le monde est revenu de la marche sur Paris, et que on a dit, bon, voilà, c'est fini. Et les gens m'ont dit, non, mais vous êtes malade. Quelle idée? Il n'est pas question que ça s'arrête. C'est eux qui ont des idées. Donc, on a continué, quoi. Quelle était votre journée type, une grille de programme? Alors, pas toutes les émissions, mais en résumé, ça se présentait comment? Une journée radiophonique sur Cœur d'Acier? Alors, ça a commencé par de la musique. Il y avait quelqu'un... Les techniciens, c'était tous des bénévoles. Au début, que des mecs. Et puis, peu à peu, les femmes s'y sont mises. Ils passaient des disques à la demande des gens, et pendant ce temps-là, se préparait la revue de presse, qui était la première grande émission de la journée. Alors on était tous les deux avec Jacques, on n'avait pas de dépêche, on avait simplement les journaux et la radio, ce qu'on avait entendu à la radio le matin, et des copains qui arrivaient ou qui téléphonaient pour dire, voilà, vous avez vu dans le répu, parce qu'on en profitait pour faire quelque chose d'un peu pédagogique, on leur expliquait comment un journal était fabriqué. Les gros titres en première page, il faut se méfier, il y a peut-être des choses très importantes qui sont pas en première page, mais en page 7, il y a un tout petit article, et qui est peut-être ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans le journal, donc il faut pas le louper. Et alors, évidemment, ils étaient là à farfouiller, ils disaient, ouais, vous avez pas vu, dans le repu, il y a page 12, il y a tel truc. Et on préparait comme ça la revue de presse ensemble, dans la rigolade. Et c'était de quelle heure à quelle heure? Alors, c'était élastique, non? Oui, un peu, oui. C'était bon. Là, c'est pas élastique, hein, donc on va essayer. Oui, alors donc, c'était en fin de matinée, la revue de presse, qui avait beaucoup, beaucoup de succès, les gens téléphonaient en direct et tout. Et puis après, bon, bah, ça dépendait des jours, il y avait des émissions, on faisait appel aux enseignants, par exemple. Donc on a eu des émissions historiques formidables, parce qu'on a, on a un peu de chance quand même, hein. On avait comme un prof d'histoire dans le coin, un certain Gérard Noiriel, qui est aujourd'hui une célébrité. Bien sûr. Un grand spécialiste de l'immigration, qui vient de faire un bouquin magnifique sur l'histoire populaire de la France. Eh ben, on a réussi à la... Alors lui, il voulait pas, il était timide. Et on lui a dit, tu viens pas d'histoire, tu viens. On avait par exemple des émissions. Alors juste, je résume. Oui. Émissions historiques, littéraires, poétiques. Il y avait un poète qui disait ses poèmes, mais aussi ceux du Victor Hugo, de Baudelaire, d'Aragon, etc. Il y avait une émission de jazz, il y avait... Ça dépendait de ce que les gens proposaient. Et puis il y avait toute la journée, évidemment, la lutte primée. Quand il y avait une lutte quelque part, les gens venaient, au lieu de faire des tracts, ils venaient en parler à la radio, expliquer. Oui. Et puis, il y a les gens de passage, quoi. Par exemple, Jacquard, quand il est arrivé, ça a été une soirée mémorable. Première question. Alors, il était très connu à l'époque, les gens le connaissaient bien. Il y avait un monde fou dans le studio, là autour, et puis à l'écoute. Et alors, il y a la première question. Monsieur Jacquard, vous pouvez nous expliquer ce que c'est la génétique? La question. Alors, il a dit, bah oui. Vous tous qui nous écoutez là ou qui êtes là autour de moi, vous allez tous tirer la langue. Mmh. Alors tout le monde tire la langue. Essayez de la mettre en forme de tuile romaine. Alors voilà, et tout le monde essaye. Moi par exemple, impossible. Et puis d'autres, ils le font tout naturellement. Voilà, c'est comme facile. Vous, par exemple, c'est très facile. Mais moi, rien à faire. Donc il dit, ben voilà, il y en a qui ont le gène, d'autres qui l'ont pas. Si vous l'avez pas, rien à faire. En revanche, apparemment, c'était moins consensuel. Cohn-Bendit, Krivine, quand ils sont passés, ça fait des frictions, non? Ben, on avait dit, hein, tout le monde est invité, sauf les racistes. On n'invitera pas... Oui, ce qui n'est pas le cas pour l'instant des deux cités. Il y avait le Front National. Oui. Si quelqu'un tient des propos racistes, on discutera avec lui. Mais on n'invitera pas officiellement un parti raciste. À part ça, tout le monde. Alors bon, ah bon, tout le monde, c'est-à-dire pas la droite. Bah, si la droite se croit obligée de venir à la radio, c'est qu'on aura gagné. Ce sera formidable. Pas les socialistes, bien sûr que c'est si, enfin bref. Et puis le dernier truc, c'était pas les gauchistes. Il ne reste plus personne, à part les communistes. Parce que c'était à l'époque, il y avait Bisbille, et on leur a dit, mais enfin les gauchistes, ils sont ceux qui tiennent des propos les plus proches des vôtres. Ça tient pas debout, votre truc. Et le premier qui arrive, le premier politique, parce qu'il y avait une campagne européenne à l'époque. Et là, c'est Krivine, non? Le premier qui passe, c'est Krivine. Ben oui. Et ben, finalement, ben, ça s'est bien passé. Ça s'est passé. Bien passé, bon. Oui, on est devenus copains comme cochons avec Krivine. Ça vous ferait plaisir d'entendre Gérard Noiriel, puisqu'on en parlait. Hasard, heureux hasard du calendrier. Dimanche dernier, l'invité de l'émission Une journée particulière sur France Inter, émission de Zoé Varier, ben, c'était Gérard Noiriel, figurez-vous. Il est venu par... Et alors, c'est ce qui est formidable, c'est qu'il est venu parler de la journée du 23 mars 1979 et de la grande marche de la sidérurgie à Paris. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il a évoqué Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, ça a été une expérience tout à fait extraordinaire. Je dirais que qu'est-ce qu'on a découvert aussi pendant cette lutte, encore une chose qui est très très d'actualité, c'est qu'une lutte populaire qui a presque toujours, dans l'histoire, presque toujours, c'est des considérations évidemment d'ordre économique. Ouais. Les gens vivent, c'est la survie qui est en jeu, mais ça ne se limite jamais aux questions économiques. Il y a toujours la question de la dignité, comme on entendait dans la chanson, de la prise de parole, etc. Et là... La démocratie. La démocratie, des invisibles qui deviennent visibles et qui du coup, ça explose, quoi, de tous côtés. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est merveilleux, quoi. Et il a apporté beaucoup, Gérard, à la radio. Et c'est vraiment un très bon souvenir. Mais d'ailleurs, on est restés très amis. Votre rôle, vous, c'était d'organiser quand même cette tribune libre, cette immense tribune libre qui était devenue, qui était cette radio dès le début, c'est de ça. Parce que c'est intéressant, d'un point de vue du recrutement, d'avoir recruté deux journalistes professionnels. J'imagine que c'était pour guider les gens qui venaient s'exprimer, c'est ça? C'était ça votre rôle? Oui, c'était pour gérer un peu le bordel, quoi. J'osais pas le dire. Veiller un peu au grain. Mais bon, c'était très amical. Puis il y avait un personnage formidable aussi dans cette aventure, c'est Michel Olmy, qui était le secrétaire de l'Union locale, et qui s'est donné à fond dans cette affaire. Et lorsque l'expérience a été liquidée par la CGT qui lui avait donné naissance, de manière très brutale, c'est-à-dire qu'on était payé officiellement par la vie ouvrière de façon à pouvoir garder notre carte de presse. Carte de presse, oui. Voilà, mais donc payé par un journal, mais qui était remboursé par les amis de LCA qui faisaient des collectes, hein, les bonnes femmes qui arrivaient puis qui balançaient les pièces là et les petits billets en plein milieu de l'émission, et ils étaient remboursés jusqu'au dernier sou, quoi, donc ça leur coûtait rien. Et tout d'un coup, bah, ils nous payent plus, voilà, sans même nous passer un coup de fil pour nous prévenir. Là, ça a été un coup terrible. Et Michel Olmy, par exemple, il a été scandalisé. Il dit quoi ? Nous, on va traiter les gens comme le font les patrons, les pires patrons. C'est inadmissible. Et donc, il a été viré aussi, d'ailleurs. Et quand vous êtes revenu à la télévision, alors la télévision tout à fait classique, hein, la télévision de service public, dans un milieu professionnel classique, comment vous l'avez vécu par rapport à ce que vous aviez connu, cette liberté-là? Ben, j'ai essayé de me battre pour la liberté aussi à l'intérieur d'un grand média public. Hein, et pendant un temps, ça a été possible grâce à Pierre Desgroupes, à qui je dois beaucoup. Évidemment, c'est pas tout à fait la même ambiance. Enfin, en 81, quand même, on s'est bien marré. Hein. Alors, un mot de votre collègue Dupont. Comment il a vécu ça, lui, pareil? Alors, lui, la liquidation de Lorraine Cœur d'Acier a été, il l'a très mal pris. Ah. Très, très mal pris. Il est parti sur d'autres expériences pirates de radio. Et si vous voulez savoir ce qu'il est devenu, ce qu'il fait aujourd'hui, eh bien, il est devenu le grand spécialiste du vin au point. C'est lui qui fait le spécial point du vin. Et il avait d'ailleurs, de notre temps, déjà de très bonnes dispositions en la matière. Et vous êtes resté copain aussi avec lui? Bien sûr. J'imagine. Hein. Bien sûr, on est copain à vie. On était très complices, quoi. On se marrait bien entre nous et avec les gens. Marcel Trier, merci pour ce moment, ces 20 minutes de souvenirs. Et on ne peut que conseiller, alors pour le coup, pour compléter, l'excellent coffret à morceaux de chiffon rouge que je tiens dans la main. Je tiens pas un morceau de chiffon, je tiens le coffret. Un documentaire radiophonique de Pierre Baron, Raphaël Moutarde et Frédéric Rouziès, édité par La Vie Ouvrière, qui comprend également le documentaire Image Lorraine Cœur d'Acier, une radio dans la ville, documentaire d'Alban Poirier et de Jean Serre. Voilà, j'ai remercié tout le monde et je vous remercie une nouvelle fois, Marcel Trier. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Radio Lorraine Cœur d'Acier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.